Leçon 3. Pages 38 et 39. Activité 2. 3 et 4. Piste 29. Regarde. La salle de musique est derrière le bâtiment B. Oh, elle est grande. Là, c'est la cour de l'école. Oui, elle est supé. Et au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est le bureau du directeur. Ah, c'est petit.